Je t'aime en désillusion, le mot d'amour en dérision. J'ai bâti un mur entre ça et moi. À force de donner, on se perd. Fini les pleurs et les prières. Espérer, c'est vivre en arrière. Comme l'amour qu'on enterre, j'arrive par à m'y faire. Ce n'est qu'une fois parti qu'enfin j'avais mûri. Je ne crois plus en ces mots si sincères, en ces phrases qu'on ne dit qu'une fois, chaque fois. C'est regretter le temps qu'on n'a pas su quitter. Ce qui est passé n'a fait que passer. Surtout ne pas s'imaginer que tout ce qui est doit durer. Je déborde de mots gâchés. J'arrive pas à m'y faire. Ce n'est qu'une fois parti qu'enfin j'avais mûri. J'ai vieilli comme l'amour qu'on enterre. J'arrive pas à m'y faire. Ce n'est qu'une fois parti qu'enfin j'avais compris. Je ne crois plus en ces mots si sincères. Chaque fois, je t'aime en désillusion, le mot d'amour en dérision. J'ai bâti un mur entre ça et moi.